Écoutez, monsieur Crevel, reprit la baronne, trop sérieuse pour pouvoir rire. Vous avez 50 ans. C'est 10 ans de moins que monsieur Hulot, je le sais. Mais à mon âge, les folies d'une femme doivent être justifiées par la beauté, par la jeunesse, par la célébrité, par le mérite, par quelques-unes des splendeurs qui nous éblouissent, au point de nous faire tout oublier, même notre âge. Si vous avez 50 000 livres de rente, votre âge contrebalance bien votre fortune. Ainsi, de tout ce qu'une femme exige, vous ne possédez rien. Et l'amour ? Dit le garde national en se levant et s'avançant. Un amour qui... Non, monsieur, de l'entêtement ! Dit la baronne, en l'interrompant pour en finir avec cette ridiculité. Oui, de l'entêtement et de l'amour, reprit-il, mais aussi quelque chose de mieux, des droits. Des droits, s'écria madame Hulot, qui devint sublime de mépris, de défi, d'indignation. Mais, reprit-elle sur ce ton, nous ne finirons jamais, et je ne vous ai pas demandé de venir ici pour causer de ce qui vous en a fait bannir malgré l'alliance de nos deux familles. Je l'ai cru. Encore, reprit-elle, ne voyez-vous pas, monsieur, à la manière leste et dégagée dont je parle d'amant, d'amour, de tout ce qu'il y a de plus scabreux pour une femme, que je suis parfaitement sûre de rester vertueuse. Je ne crains rien, pas même d'être soupçonnée en m'enfermant avec vous. Est-ce là la conduite d'une femme faible? Vous savez bien pourquoi je vous ai prié de venir. Non, madame, répliqua Crevel en prenant un air froid. Il se pinça les lèvres et se remit en position.